Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 28 juin 2017. Voici les grands titres de cette édition. Le ministre des Relations extérieures affirme que les relations entre le Burundi et la Belgique s'améliorent, ce qui n'est pas le cas avec l'Union européenne. Alain Aimé Nyamitwe l'a déclaré hier lors de la présentation des réalisations de son ministère durant le premier semestre 2017. Et le vice-président du parti Sawania Frode Bou réagit à la résolution signée hier par certains partis politiques en disant qu'elle n'a d'autre objectif que de torpiller les initiatives de l'ombudsman burundais. Pour Léon Sengendakumana, la seule voie pour résoudre la crise politique burundaise est le dialogue externe. Sécurité, une vieille maman, la soixantaine, a été tuée par son fils à l'aide d'une petite houe. C'était dans la soirée de ce mardi sur la colline Butazi de la commune d'Ava en province Maro. Et une jeune fille de 16 ans a été retrouvée morte ce mardi soir sur la colline Chivari en commune et province Muyinga. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le nouvel envoyé spécial des Nations Unies pour le Burundi est en visite dans le pays depuis l'après-midi de ce mardi. Michel Kafando va rencontrer certaines autorités du pays, dont le ministre des Relations extérieures, Aimé Nyamitwe. Il sera aussi reçu par le président de la République ce jeudi. Michel Kafando a été désigné le 5 mai dernier comme envoyé spécial des Nations Unies pour le Burundi pour remplacer Jamar Ben Omar qui avait été récusé par Bujumbura. Michel Kafando a été le président de la transition du Burkina Faso. Le ministre des Relations diplomatiques fait savoir que les autorités belges reconnaissent avoir précipitamment pris des sanctions contre le Burundi. Alain Aimé Nyamitwe dit l'avoir constaté lors de sa visite en Belgique et d'y être satisfait pour une certaine amélioration des relations entachées par les événements de 2015. Il l'a soulevé lors de la présentation ce mardi des réalisations semestrielles de son ministère. Suivez. Nous avons été en Belgique dans le cadre du renforcement des liens entre la Belgique et le Burundi. Vous savez très bien que depuis quelques temps, nous avons notre pays connaît une situation relativement difficile avec la Belgique. Mais les relations existent bel et bien entre nos deux pays. La raison est que nous avons chacun une représentation dans l'autre pays. Le but de cette visite était effectivement de renforcer ces liens et de voir ensemble avec mon homologue, le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, M. Didier Reynders, les points d'accord et les points de désaccord. Parler franchement pour essayer de trouver un modus vivendi qui nous permettra alors d'aller de l'avant. Je suis heureux de remarquer qu'après notre visite en Belgique, il a eu l'occasion de déclarer devant la Chambre des représentants que la Belgique ou d'autres partenaires s'étaient précipités à prendre des sanctions contre le Burundi. Mis à part cette déclaration, je crois que vous avez suivi l'évolution ou la perception de la Belgique vis-à-vis du Burundi au fil des mois qui ont suivi, notamment la levée de l'interdiction de ce qu'on appelle le non-family posting, qui interdit les membres de la famille des diplomates à rester, à résider dans le même poste que leur principal. À part cette mesure, il faut aussi regarder, suivre aussi les mesures qui ont été prises et qui ont été publiées sur les sites officiels d'avis de voyage. Concernant les Belges qui devraient venir au Burundi, il me semble qu'il n'y a pas eu d'interdiction de voyage de Belges vers le Burundi. Dans le même ton, qu'en 2015. Je crois que même si on n'est pas au niveau de nos relations avant août-septembre 2015, on est quand même encore dans des relations acceptables. Nous souhaitons très sincèrement que ces relations puissent se renforcer. Le ministre Alain Aimé Nyamitwe considère par contre que les relations avec l'Union européenne ne sont pas encore améliorées. Il précise que la coopération continue seulement dans les projets de développement de la population dans le domaine économique et social depuis la prise des sanctions contre le Burundi en mars 2016. Nyamitwe estime que l'appui à la population n'est pas satisfaisant en l'absence de celui qui a été donné au gouvernement. Et le parti Sawania Frode Bou trouve que la résolution signée par certains partis politiques n'a d'autre objectif que de torpiller les initiatives de l'ombudsman burundais. Léon Sengendakumana, vice-président de ce parti, s'exprime après que ce mardi, 27 partis politiques aient signé une résolution de 20 articles, parmi lesquels celui qui appelle à la modification de la Constitution. Selon Léon Sengendakumana, la seule voie qui reste pour résoudre l'impasse politique au Burundi, c'est celui du dialogue externe. Suivez-le. C'est surprenant comment l'ombudsman était en train d'essayer de mettre ensemble toutes les forces vives de la nation, entendez par là, tous les partis politiques, non pas 20 partis politiques, tous les partis politiques, toutes les confessions religieuses, toutes les organisations de la société civile et sous le patronage de la République, quelques partis politiques avec le ministre de l'Intérieur s'imposent à remettre en cause tout cela. Ça veut dire que ce processus qui était engagé par l'Ombudsman vient d'échouer, vient franchement d'avoir un échec. Alors, on évoquait un ensemble de beaucoup de questions. Alors, cette des parties, deux ou trois jours après, s'improvise, alors qu'on n'avait même pas sorti des conclusions de Kayanza. Ça me paraît paradoxal, ça me paraît comme une manipulation. Alors, remettre en cause des efforts nationaux comme ça, ça va créer une situation très difficile à gérer pour le pays, pour le peuple burundais. Je ne vois pas l'utilité de cela. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le dialogue qui avait été amorcé par l'Ombudsman puisse aboutir à quelque chose? Est-ce qu'il y a un chevauchement par rapport à ce qui a été fait? Mais celui-là, on vient de le mettre en échec. On vient de le faire échouer. Je ne vois pas comment il va continuer avec ça. Il faut plutôt se tourner vers le dialogue ou ce que nous appelons négociation extérieure sous la médiation sous-régionale pour conclure rapidement un accord qui mette un terme à toutes ces souffrances que connaît le peuple burundais. C'était le vice-président du parti Sawanya Frodebou, Léonce Ngendakumana. Il est 13h03 à Bujumbura. Isanganiro. La loi communale accuse des lacunes pour être appliquée à la mairie de Bujumbura au moment où elle fonctionne administrativement comme une province et financièrement comme une commune. Ces propos sont de l'assistant du ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique. Selon Terence Nairaja, l'organisation de la mairie dépendra d'une mise en place d'une loi spécifique comme c'est le cas d'autres capitales. La mairie de Bujumbura fonctionne financièrement comme une commune, mais administrativement comme une province. C'est donc une particularité. C'est pourquoi il y a certains articles qui ont été mis en application et d'autres pas. Alors, le constat est que, quoique la loi communale de l'article 126 jusqu'à l'article 35 détermine clairement comment est-ce que ces compétences doivent être transférées, à un moment donné, ça a été bloqué. Alors, quelle est la solution pour sortir de cette impasse? Il faut que la loi communale soit révisée. Et comme vous le savez, chaque fois après un mandat de 5 ans, il y a une révision parce que nous sommes dans un processus de démocratisation et de décentralisation au niveau communal. Il y a le gouvernement qui, chaque fois, accorde des défauts qui doivent être transférés. Et cela doit être défini par la loi communale. Donc, à ce moment, il faudra que, justement, au niveau de la révision de la loi organique, qui est la loi communale, il faudra prévoir un article qui prévoit la mise en place d'une loi spécifique et qui doit déterminer justement comment la mairie doit être gérée, que ce soit administrativement, même économiquement, comme c'est d'ailleurs le cas pour les autres capitales du monde entier. Quand le président de la République promulgue une loi, il y a une clause qui dit que cette loi entre en vigueur le jour de sa signature. Est-ce que ce n'est pas pour des intérêts des uns ou des autres que cette loi communale n'est pas appliquée en ce qui concerne la mairie de Bujumbura? Je pense non, comme vous le dites, c'est comme ça, mais il n'y a pas de règle sans exception, comme vous le savez. Et les lois sont justement élaborées par des personnes, même l'Assemblée nationale, ce ne sont pas des dieux, ce sont des personnes, et parfois on peut se tromper. C'est pourquoi d'ailleurs la loi n'est pas statique, elle est dynamique, elle évolue. Elle doit s'adapter chaque fois à une situation actuelle. Et c'est ce qu'effectivement, la manière dont justement le législateur avait pensé, nos concours de prix avec l'actualité du moment. Donc, il peut arriver même dans une loi, même dans la Constitution, pourquoi pas, même dans d'autres lois, l'un ou l'autre article peut ne pas être capable d'être mis en application suite au moment actuel. Exemple, chez vous, la radio Isanganiro, il peut arriver au niveau de vos règlements de l'intérieur, il peut arriver certains articles qui ne s'adaptent plus à la situation et à ce moment donné, pour faute de moyens ou autre, vous êtes obligé de changer. Donc, ce qu'il y a là, ce n'est pas de se révolter contre le chef de l'État, on ne peut rien faire, mais il s'est fait que le concepteur, à un moment donné, ce qu'il a passé, a réalisé que par après, ce n'est plus compatible avec, d'ailleurs, ce qui se fait dans notre capitale du monde, mais aussi dans le monde actuel. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était Terence Nairaja, l'assistant du ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique. Vous voudrez bien nous excuser pour ces petites erreurs de montage. Les différentes réunions organisées sur le Burundi ainsi que les rapports parlant de violation des droits de l'homme et d'autres accusations formulées par les pays européens sont réalisées dans le but de se débarrasser des gouvernements qui ne les plaisent pas. Ce sont les propos de Pascal Barandagué, ministre de l'Intérieur. C'était lors de la séance des questions orales à l'Assemblée nationale ce mercredi. Le ministre Pascal Barandagué fait savoir que ces plans des Européens ne peuvent pas réussir au Burundi. Pour moi, tous ces montages à propos des génocides et les autres accusations ne sont qu'un prêt-à-parler à l'endroit de presque tous les pays, surtout africains. Tous les gouvernements qui ne prennent pas le bras subissent le même sort. C'est le même schéma. C'est prévu dans le même livre que j'ai évoqué, la charte impérialiste. Il accuse les leaders de génocide, de possession d'armes à destruction massive. C'est le cas de Saddam en Irak. C'est maintenant qu'on a dû découvrir qu'il n'en avait aucune, mais ce qu'il acquise l'avait déjà destitué et tué. En Libye, ça a été de même, Kadhafi a été accusé de tous les maux. Il était visé suite à son programme de développement de son peuple et il avait peur de lui pour l'avenir. Ils allaient peut-être perdre les marchés. Ils ont décidé sa mort via les montages. On a essayé de le faire ici chez nous, mais comme nous sommes dans les mains de Dieu, ils ont échoué. Ceux qui leur ont établi l'état de lieu se sont trompés sur nous. Ils ne savent pas que les Burundais sont unis. Ils ont même tourné de films pour simuler le génocide au Burundi. Voilà, c'était le ministre Pascal Randagie. Le ministre des Relations extérieures, ambassadeur Alain Nyamitwe, quant à lui, a indiqué que les autorités burundaises ont pu contourner ce qu'il qualifie de plan de déstabilisation du pays, surtout en nouant des relations diplomatiques avec d'autres pays victimes de mauvaises relations avec les Européens. Suivez le ministre Alain Nyamitwe. Concernant des montages qui sont parfois lancés contre le Burundi dans différentes rencontres, j'ose estimer que c'est par là que nous devons montrer que le Burundi est indépendant et souverain. Cela doit se manifester par des coopérations avec d'autres pays. Les événements qu'a traversé le Burundi ont heureusement réveillé les Burundais. Nous avons constaté les bons et mauvais partenaires. Certains États africains nous avaient conseillé d'éviter de tomber dans les pièges qu'ils ont eux-mêmes vécus. Ces États nous avaient prescrit l'attitude à prendre. Nous voulons coopérer avec les États qui connaissent nos opinions, que ce soit au niveau africain qu'à travers le monde. Vous constatez vous-même que les grandes puissances avec lesquels nous coopérons peuvent être pointés du doigt pour cause de violation des droits de l'homme. L'exemple parlant est la Russie et la Chine. Les États européens passent par là pour ternir l'image de ces puissances avec lesquelles ils ne partagent pas les mêmes idées. C'était le ministre en charge des relations extérieures, Alain Nyamitwe. Sachez que 4 ministres étaient invités à l'Assemblée nationale pour des questions orales ce mercredi. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, celui des Relations extérieures, celui des Droits de l'Homme et enfin celui de la Justice. Une harmonisation des lois est nécessaire pour la mise en place d'un marché commun au sein de la communauté est-africaine. Cela a été dit par Pierre Nkurunziza, le président de la République. Il a indiqué que cela viendrait à aider le pays à ne pas être un handicap pour la création du marché commun. C'était au cours d'un forum pour la célébration des 10 ans d'intégration du Burundi au sein de la communauté est-africaine. Suivez le président Pierre Nkurunziza, traduit par Aubin Niyonguru. Twashaka kwamenyesha ko Burundi bubandanya gutera intambwe iboneka mu bijanye no kuja hamwe n'ibindi bihugu. On aimerait vous informer que le Burundi continue à avancer pour les alliances avec les autres pays. La preuve est que le Burundi a eu une meilleure place pour ce qui est de faciliter des investissements. Maintenant, le dédouanement est plus rapide et moins coûteux pour les marchandises venant du port de Mombasa ou Dar es Salaam. À côté du transport des biens et des marchandises, on doit s'intéresser à la mise en œuvre de l'harmonisation des lois régissant le marché commun pour que nous ne soyons pas en arrière par rapport aux autres. Les taxes et impôts pour les investissements doivent se conformer à une bonne utilisation des recettes du pays. Cela pour que nous puissions être à un même niveau que les autres pays de la région. Nous nous baserons sur la feuille de route issue des discussions de tous en vue de l'utilisation de la monnaie unique pour les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. « C'était le président de la République, Pierre Nkurunziza. Il est 13h11 à Bujumbura. Sans transition, sécurité, une jeune fille de 16 ans est retrouvée morte ce mardi soir sur la colline Chibari. C'est en commune et province Muyinga. Elle a été étranglée. La police a déjà commencé ses enquêtes pour tenter de retrouver les bourreaux de la victime qui avait disparu la veille. Correspondance de Dieudonné Zeymana. Dans la brousse, près des fossés d'un ancien site d'exploitation de l'or sur la colline Chibari, commune Muyinga, c'est là où des passants ont, ce mardi soir, vit encore sans vie. La victime est une fille de 16 ans. Elle a été étranglée par des inconnus. Elle aurait été violée avant d'être achevée, d'après des sources à Chibari. Les bourrons l'ont laissée nue. Des préservatifs ont été vus tout près du corps sans vie. Pour l'instant, pas de traces de l'assassin ni des circonstances de cette mort. Ce qui est connu est que la victime était partie lundi faire son habituel commerce ambulant des Vikwangwa, sorte de pâte fabriquée à partir du manioc écrit. Ses parents de la colline Kivoga qui ne l'ont pas vu rentrer lundi ont cru qu'elle était partie passer la nuit chez sa grand-mère. Nina Lambert, chargée des affaires sociales en commune Muyinga, affirme que la police judiciaire a déjà entamé des enquêtes qui pourront permettre de mettre la main sur les auteurs de ce crime. Merci Dieudonné Zeymana. Toujours au chapitre sécurité, une vieille maman, la soixantaine, a été tuée par son fils à l'aide d'une petite housse. C'était dans la soirée de ce mardi sur la colline Boutazi de la commune d'Ava en province d'Omgaro. Les sources administratives ajoutent que cet homme a également blessé son frère. Cet homme a immédiatement été arrêté et se trouve dans la main de la justice. Une cinquantaine d'employés vont perdre leur emploi et certaines agences de la banque Ecobank seront fermées suite aux nouvelles technologies que cette banque utilise depuis février dernier. L'administrateur directeur général d'Ecobank indique que cela ne signifie pas que la banque qu'il dirige est en difficulté, mais plutôt, précise-t-il, que Ecobank adhère aux nouvelles technologies pour être plus compétitive sur le terrain. Victor Noumoué rassure que tout employé qui perdra son emploi sera indemnisé au-delà de ce qui est prévu par la loi. On l'écoute. Parce que nous migrons vers le digital, si les clients doivent pouvoir faire les opérations sur leur téléphone, sur leur ordinateur, ça veut dire que les clients auront moins de nécessité de venir à la banque. Et ça veut dire aussi que, quelque part, on aura besoin de moins de personnes pour servir ses clients. Donc naturellement, si on n'a pas besoin d'effectifs, on est obligé d'adapter nos effectifs. Donc oui, il y aura des gens qui vont certainement perdre leur emploi. Mais comme je l'ai dit, une fois de plus, nous avons pris des dispositions pour qu'il y ait un accompagnement pour ces personnes et pour qu'on puisse éventuellement pouvoir continuer à travailler ensemble. Et comme je dis, on ne gagne pas sa vie qu'à travailler en tant que salarié. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Oui, on arrête le contrat de salarié, mais il y a une autre forme de collaboration qui s'ouvre. Si vous arrivez à lancer ce produit, ça signifie que vous avez planifié quel est le nombre de ceux qui doivent partir par rapport à quel est le nombre du personnel total de la banque et quel est le secteur qui est le plus touché. Il n'y a pas de langue de bois. Ce sera plus ou moins une cinquantaine de personnes. Ça peut être moins, ça peut être plus. Mais ça va tourner autour d'une cinquantaine de personnes. Et aujourd'hui, l'effectif des Cobamburu, c'est à peu près 170 personnes. Vous avez mentionné que depuis un certain temps, vous échangez avec le personnel de l'Ecobank sur les nouvelles modalités de travail et sur les probables départs. Comment l'ensemble du personnel a réussi cela? Je peux vous dire que personne n'a jamais été content de perdre son emploi. Et c'est humain. Et même nous, en tant qu'employeurs, moi, je ne peux pas être content de voir mon personnel perdre son emploi. Mais en tant que gestionnaire, à un moment donné, on est obligé à un certain moment de prendre des mesures difficiles. Mais le plus important, c'est de s'assurer que les choses se fassent selon les règles. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Victor Noumoué, c'est l'administrateur directeur général d'Ecobank Burundi au micro de Joseph Sabiyabandi. Et pour terminer ce journal, validation ce mercredi d'une feuille de route pour tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse au Burundi. L'assistant du ministre de la Bonne Gouvernance a indiqué qu'il s'agit d'une des recommandations issues du 28e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Jean Bosco Naimera a fait savoir que la jeunesse burundaise a besoin de plus de soutien pour qu'elle constitue un atout au développement et non un blocage. Des projets ont été consignés dans ce document comme assurer une éducation propre aux jeunes. Le document sera plus utile parce que d'abord, c'est montrer que le Burundi se conforme aux recommandations prises dans les différentes conférences internationales. Il sera également utile parce que ça permettra de renverser l'idée selon laquelle la jeunesse, qui jadis constituait un défi au développement du pays, pour qu'elle devienne plutôt un atout ou un outil de développement de ce pays. L'important, c'est d'assurer qu'une croissance économique, grâce à la formation ou à la préparation de la population, la jeunesse surtout, qui actuellement constitue un grand pourcentage par rapport à la population totale du pays. Il y a des projets tels que consignés dans cette feuille de route. C'est assurer une éducation de la population, de la jeunesse, et en matière de santé également. L'éducation, à titre d'exemple, les jeunes filles qui conçoivent dès leur bas âge, si elles sont bien éduquées, si elles sont maintenues à l'école comme il faut, vont concevoir longtemps après avoir peut-être terminé leurs études. Donc, par là, la population pourra diminuer. Il y a aussi d'autres volets. Tout cela est consigné dans la feuille de route. C'était Jean Bosco Naïmera, l'assistant du ministre de la Bonne Gouvernance, dont les propos ont été recueillis par Francine Ndihokougayo. Et c'est par là que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Jean Dodieu Ndaïsenga pour la mise en onde. Jean Bosco Ndouimana qui vous le présentait. Vous souhaite un bon après-midi.